Les âmes mortes, tome 2, chant 17. Claude Bouef, Luxe et indigence, Tchitchikov en veine d'acquisition territoriale. Le lendemain, les choses s'arrangèrent au mieux avec Constant Joglot, qui avait réellement pris Tchitchikov en grande affection, le trouvant simple, bonasse, exempt de toute espèce de morgue, enclin à écouter et incapable de tourner en raillerie ce qu'on lui disait. Toute qualité fort rare, paraît-il, dans le district. Il lui donna de bon cœur 10 000 roubles, sans intérêt, sans cautionnement et sur une simple reconnaissance. Au reste, il était dans son caractère d'assister de sa bourse et de ses conseils quiconque avait un désir sincère de s'établir dans le pays et d'acheter du bien pour le faire valoir. Il faisait consister en cela surtout son patriotisme, et il faut reconnaître que cette opinion en vaut une autre. Il montra en détail à Tchitchikov toutes ses exploitations. Chez lui, il est vrai, une heure qu'on eût pu employer à quelque chose d'utile ne se perdait pas impunément, et il n'y avait point d'exemple que rien n'eût jamais mal tourné. Aucun paysan de ces terres ne pouvait manquer d'exactitude ou de vigilance. Le maître, en pareil cas, semblait jouir du double don d'ubiquité et d'omniscience. Une velléité de fainéantise le trouvait là debout, prêt à relever le délinquant du péché même d'intention. L'intelligence et le contentement de soi brillaient dans tous les yeux. Tout dans ce domaine était si habilement organisé qu'il semblait que la machine fût montée ainsi pour un demi-siècle et qu'elle fonctionnât d'elle-même. L'aménagement des forêts et le système des jachères, institués par Constant Joglot, pouvaient obtenir l'approbation de tous les agronomes du pays. À plus forte raison, excitèrent-ils l'admiration de Tchitchikov, pour qui tout était nouveau et d'un intérêt saisissant. Aussi se disait-il à tout moment « Que de belles choses faites sans bruit, et qu'il y a loin de ce que je vois à ces projets, à ces théories, à ces gros traités et à ces grands discours ambitieux que j'ai entrevus chez Koch-Skareff, à ces in-folios écrasants qui, depuis 100 ans, promettent à l'univers l'abondance et le bonheur, et s'arrêtent sous ce rapport au prospectus du livre. » Et il pensait à la vie inutile et débilitante, ruineuse pour le pays, que mènent les 3/4 au moins des habitants des capitales, occupés à glisser avec grâce sur des parquets cirés, à débiter et à faire des inepties en grande et pimpante assemblée. Constant Joglot offrit de lui-même d'accompagner Tchitchikov chez Claude Bouef et de visiter avec lui la propriété. Tchitchikov était tout gaillard. Après un copieux déjeuner, tous deux, et Platonov troisième, prirent place dans la belle calèche de Paul Ivanovitch, et on partit. Yarrow prit les devants, comme pour écarter du chemin les oiseaux, et la bancelle de Constant Joglot vint à la suite. On fit ainsi 15 verstes, ou kilomètres, sans sortir des bois et des champs de Constant Joglot. À peine on eut gagné la limite de ces terres que tout changea d'aspect. On ne vit plus que des blés rares et mal épiés, et au lieu de beaux arbres, des troncs pourrissants sur pied. Le village, malgré la beauté naturelle du site, semblait un lieu abandonné. Un bâtiment en pierre, qui promettait une maison d'habitation convenable, restait inhabité, faute d'avoir été achevé. Et derrière se découvrit une autre maison habitée, mais vieille et trop petite. Ils trouvèrent le maître tout ébouriffé, réveillé d'un somme d'extra, mais encore plein de sommeil. C'était un homme de 40 ans. Il avait la cravate plus que dénouée, sa redingote avait des pièces et ses bottes des crevasses. Il se réjouit comme d'une bonne fortune de voir apparaître des visites. Il lui serait arrivé des frères absents depuis bien des années qu'il n'aurait pu se montrer plus joyeux. Constantin Féodorovitch, Platon Mikhaïlovitch, vous m'avez donc fait le grand plaisir de venir à la fin. Est-ce que je ne rêve pas? Vrai, je pensais bien être abandonné de tous. C'est à qui me fuira comme la peste. On craint tant que je ne demande quelques prêts d'argent. Oh, j'en avale de dur, Constantin Féodorovitch. Et j'avoue que j'ai mérité tout cela. Le pourceau a vécu sa vie de pourceau. Pardon, messieurs, de vous recevoir en pareille toilette. Vous le voyez, j'achève d'user mes vieilles bottes. Ça, que puis-je vous offrir, messieurs? Point de cérémonie, nous sommes venus pour affaires. Nous vous amenons un acheteur, monsieur Pavel Ivanovitch Tchitchikov, lui dit Constant Joclot. Heureux, monsieur, de pouvoir faire votre connaissance. Permettez-moi de vous toucher la main. Tchitchikov lui présenta les deux mains à la fois. Je voudrais, cher monsieur Pavel Ivanovitch, vous faire les honneurs d'un domaine qui mérita votre attention. Mais, messieurs, permettez-moi de vous demander si vous avez dîné ou non. Nous avons dîné, dit Constant Joglot, à très bonne intention. Nous avons dîné. Nous ne voulons vous causer ni embarras ni dépenses. Allons tout de suite visiter. Eh bien, allons. Allons voir les traces de mon désordre et de ma folie. Klobouef prit à la main sa casquette. Ses hôtes se couvrirent et tous allèrent à pied visiter le village. Dans presque toute la rue, ils virent, de l'un et de l'autre côté, de vieilles cabanes percées de toutes petites fenêtres bouchées de ces bandes de vieilles toiles dont les paysans enveloppent leurs pieds en guise de bas. Allons voir les déplorables effets de ma folie et de mes désordres, répéta Klobouef. Sans doute vous avez bien fait de dîner chez vous. Croirez-vous, Constantin Féodorovitch, que je ne possède pas une poule chez moi? Voilà où j'en suis venu. Il soupira, et, comme s'il eût réfléchi qu'il ne pouvait lui suffire d'intéresser Constant Joglot seul, il s'empara du bras de Platonov et prit les devants avec lui. Constant Joglot et Tchitchikov restèrent en arrière et les suivirent à distance, en se tenant bras dessus, bras dessous. « J'ai bien du mal, Platon Mikhaïlovitch, bien du mal, » dit Klobouef à Platonov. Vous ne sauriez jamais vous imaginer comme j'ai du mal. Je n'ai ni argent, ni pain, ni bottes. Je vous parle là une langue inconnue, hein? Je rirais le premier de ce dénuement, si j'étais jeune et seule à en souffrir. Mais quand c'est aux approches de la vieillesse que les privations et les angoisses viennent vous serrer la gorge, et qu'à chaque convulsion vous sentez oppresser sous vous une femme et cinq enfants, le moyen de ne pas devenir bien triste et bien sombre. Eh bien, si vous vendez votre terre, le produit de l'affaire ne sera-t-il pas pour vous une vraie planche de salut? Dit Platonov. Une planche de salut? Dit Klobouef en fouettant l'air de la main. Mes dettes payées, il ne me restera pas un millier de roubles. Et qu'allez-vous donc faire? En vérité, je ne sais. Vous entreprendrez quelque chose pour sortir de ce dénouement. Mais qu'entreprendrai-je? Vous prendrez un emploi. Mon rang civil est Goubernski Sekretar, la 14e classe, l'équivalent à peine du grade de sous-officier de la ligne. C'est joli, n'est-ce pas, pour solliciter un emploi? Mais soit, à force de patience et d'intrigue, je me fais donner une place aux appointements de 500 roubles, et j'ai 5 enfants et leur mère à nourrir. Faites-vous intendant ou régisseur de quelque domaine? Qui est-ce qui confiera la régie de ces terres à un homme qui a mangé son propre bien? Si l'on a à sa poursuite la faim et la mort, il y a pourtant nécessité de se créer vite un refuge quelconque. Mon frère connaît beaucoup de gens à la ville. Il ne faut peut-être que la bonne volonté d'un membre de ce petit monde officiel pour qu'il vous soit donné une place. Oui, je prierai mon frère. Non, Platon Mikhaïlovitch, dit Khlobouev en pressant avec force la main de Platonov. « Je ne suis propre à rien du tout. Je suis vieux, très vieux, avant l'âge. D'anciens excès m'ont séché la moelle épinière. J'ai à cette épaule un rhumatisme incurable. Une place. Une place pour que je vivote aux dépens de la couronne et du tiers et du quart peut-être aussi. Nous savons qu'il a été ouvert ainsi partout des places où des gens insatiables s'engraissent. Ah, Dieu ne plaise que pour nous donner à moi et aux miens le pain quotidien, on grève encore plus le pauvre peuple. » Voilà, pensa Platonov, les fruits d'une vie de désordre. Mieux vaut, en vérité, ce demi-sommeil, ce long bâillement de mon existence. Et ceci me justifie du moins un peu. Pendant la complainte que Khlobouev faisait entendre à Platonov, Kostanzhoglo, qui les suivait à 100 pas de distance avec Tchitchikov, jetait de tous côtés les regards les plus indignés. « Voyez, voyez, voyez et jugez !» disait-il en montrant du doigt les objets. « N'est-ce pas incroyable, cet état de misère où il a jeté le paysan ? Ici, pas un chariot, pas un cheval. Qu'il arrive une épisotie, pas de danger que l'on y perde son avoir. Il n'y a pas à balancer. Vente à montre, la voiture est ta dernière chemise. Et vite, donne aux paysans un bœuf et un cheval, si tu ne veux pas qu'ils restent des journées sans travailler. Il faut à présent des années pour réparer le mal. Le paysan tombé dans la paresse ne se remue plus, ou peu, que pour aller au cabaret. Et il suffit bien qu'on l'ait laissé un an sans travail pour qu'il se soit fait à jamais à ses haillons et à son vagabondage. Voyez-moi ces champs, voyez cette terre-là, poursuivait-il en montrant des prés qui commençaient immédiatement derrière les chaumines. Ce ne sont que fondrières. Moi, j'aurai là du lin pour au moins 5 000 roubles, et de ce côté, des navets pour 4 000. Et là-bas, au fond, toute cette côte, c'était autrefois la plus magnifique séglière. Tout cela stérile comme le rocher. Plus d'emblavure. Il n'a pas semé de blé, je le sais. Tenez, voyez ces vallées. Rien, rien. Moi, j'aurais là une futaie si haute que le vol du corbeau n'y atteindrait pas. Et dire que ce malheureux ne comprend pas quel trésor il a dans une pareille terre. En achevant cette expression de son dépit, Kostanzhoglo cracha, comme pour en avoir le cœur soulagé. Mais la bile ne montra pas moins à son front, qui sembla se couvrir d'un nuage sombre. Cependant, ils avaient, tout en causant, gravi une colline à travers des halliers. Quand ils furent sur le plateau, ils virent miroiter les eaux rapides d'une rivière. Puis, plus loin, dans la perspective, se découvrait une partie de la maison du général Betrichev. Et plus loin, bien plus loin encore, comme derrière une gaze bleuâtre, une chaîne de collines couvertes de bois touffus, qui, selon toute probabilité, ainsi que le pensa notre héros, cachait le domaine de Tentetnikov. Tchitchikov dit à Kostanzhoglo : « Si l'on couvrait de jolis bocages toute cette charmante colline où nous sommes, je crois que nul paysage au monde n'égalerait en beauté cet endroit-ci. » « Ah, vous êtes un amateur de paysage !» dit l'agronome à Tchitchikov d'un air presque sévère. « Prenez bien garde que si vous vous préoccupez de ces choses-là, vos campagnes n'auront ni blé, ni foin, ni bétail, ni bon aspect. Regardez à la beauté des récoltes et ne vous embarrassez pas de celle des vues. La beauté viendra toute seule. Souvenez-vous des meilleures de nos villes russes. Les plus belles sont justement celles qui se sont construites elles-mêmes, où chaque habitant, en bâtissant, a consulté ses besoins et son goût. Quittez le souci de la beauté pour n'avoir bien exclusivement que celui de faire naître ici l'abondance. C'est dommage seulement qu'il faille longtemps attendre. Je serai si enchantée de voir bien vite les choses dans leur état de bon ordre et de prospérité. » Patience, planter, semer, remuer cette terre qui ne sait que trop reposer, et ne perdez ici en amusement ni les heures ni les minutes. C'est dur, c'est pénible. Eh oui, soit, c'est très difficile. Mais ensuite, cette même terre se laissera remuer comme vous voudrez. Elle vous aidera elle-même. Outre les 70 ou 75 bras qui vont être votre propriété, vous en aurez 700 d'invisibles, très ardents à pousser vos labeurs. Tout se décuple en un rien de temps chez celui qui sait et qui veut. Il est certain du moins que sur mes terres, je n'ai nul besoin de remuer le bout du doigt. Les choses se font toutes seules. C'est que, voyez-vous, la nature aime la patience, par suite d'une loi émanée de Dieu lui-même. En vous écoutant, on sent entrer dans son âme comme un flux de forces inconnues. Tenez, voyez cela, là, sur le versant. Il s'imagine peut-être avoir labouré ce bout de champ, s'écria Constanjoglo avec un âcre sentiment de douleur. Savez-vous que je ne pourrai pas rester ici plus longtemps? C'est pour moi la petite mort d'avoir à être témoin du désordre et de la ruine volontaire d'un homme. Vous pouvez maintenant terminer l'affaire sans moi. Enlevez-moi à ce fou ce trésor. Il n'est bon, lui, qu'à profaner les dons de Dieu. » Et après avoir parlé ainsi, Constanjoglo resta un instant comme suffoqué par la bile. « Adieu, adieu, » dit-il à Tchitchikov, et, se hâtant de rejoindre le propriétaire, son voisin, il lui dit adieu aussi. « De grâce, Constantin Féodorovitch, » dit Klobouev étonné, « vous ne faites que d'arriver et déjà vous repartez. » « Impossible de faire autrement, impossible. J'ai affaire chez moi, pardon, » dit Constanjoglo, qui aussitôt enfourcha sa bancelle et 5 minutes après, il était loin. « Constantin Féodorovitch n'a pas pu y tenir, » dit Klobouev, devinant aisément la cause de cette fuite de son voisin. « C'est triste, c'est écœurant pour un agronome tel que lui, de voir un bien comme celui-ci tomber dans un désarroi si complet. Croirez-vous, Pavel Ivanovitch, que je n'ai pas ensemencé cette année? Parole d'honneur, je n'avais pas de semences, et pas même ce qu'il faut pour labourer. Votre frère, Platon Mikhaïlovitch, est, dit-on, un agronome très distingué. Mais quant à votre beau-frère Constanjoglo, il n'y a pas à s'y tromper, c'est le Napoléon de l'agriculture. Que de fois je me dis, pourquoi tant d'intelligence et de génie dans une seule tête? Et pourquoi pas une gouttelette de cet esprit-là dans la mienne? Ici, messieurs, prenez bien garde. En passant cette passerelle, on court grand risque d'aller tomber dans 4 ou 5 pieds de vase. Ce qui me fait le plus de peine, c'est la situation de mes pauvres paysans. Je vois que c'est l'exemple qui leur est nécessaire. Et de moi, quel exemple reçoivent-ils? Comment avec eux serais-je difficile et sévère? Comment leur prêcher l'ordre quand je suis le désordre incarné? Prenez-les en main, Pavel Ivanovitch, soyez leur seigneur. Il y a bien longtemps que je les aurais émancipés, mais ils n'y gagneraient absolument rien. Je sens que le premier soin à prendre serait de leur enseigner ce que c'est que la vie. Il faut avant tout qu'un homme austère et juste habite parmi eux bien des années, et par ses exemples, par une infatigable activité, un sincère dévouement, prenne sur eux un ascendant irrésistible. Le Russe, je le vois par moi-même, ne saurait se passer d'une excitation constante. Faute de stimulant, il s'endort et se crétinise. Il est étrange pourtant, dit Platonov, que le Russe soit ainsi sujet à se rouiller, et que l'homme du commun, si l'on cesse quelques mois de le suivre d'un œil attentif et sévère, tourne fatalement à l'ivrogne et au vaurien. Faute de civilisation, dit Tchitchikov. Dieu sait faute de quoi. Car enfin, pensez, vous et moi, nous sommes des gens éclairés. J'ai fait mes études à l'université. Mais je devrais dire plutôt, j'ai fréquenté l'université. Car ces études qu'on y fait, quelles sont-elles? Certes, je n'y ai pas appris la science de la vie. J'y ai appris à dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour tous les nouveaux raffinements du confort et à me bien habituer à l'usage de tous les objets coûteux. Et ce n'était pas que je fusse pour cela un mauvais étudiant, nullement, car généralement, mes camarades et moi, nous nous valions de toute manière. Deux ou trois ont retiré de ces cours universitaires un profit réel. Mais cela vient probablement de ce que, par eux-mêmes, ils étaient merveilleusement doués de nature. En tout, les autres n'avaient souci que de savoir ce qui endommage le plus purement la santé, la raison et le domaine héréditaire. Nous prenons de la civilisation juste ce qui fait d'elle un danger, son apparence, sa seule superficie, son costume de bal paré. Mais d'elle, d'elle-même, nous ne prenons rien. Non, Pavel Ivanovitch, j'ignore à quoi cela peut tenir. Mais un fait positif, c'est qu'en général, nous ne savons point vivre. Ce sont les causes de ce fait qu'il serait intéressant de connaître. Le pauvre Claude Bouef poussa un profond soupir et resta un instant l'œil fixe, après quoi il reprit. Il y a des heures où je crois, en vérité, être un homme condamné sans appel. Je veux agir, je me sens paralysé. Aujourd'hui, c'est bien arrêté dans ma pensée. À partir de demain, je commence une nouvelle vie. Dès demain chez moi, pour moi, diète et carême. Bah, le soir de ce lendemain-là, il se trouve que j'ai tant bu et tant mangé que mes yeux se ferment et ma langue bredouille. Et s'il me revient alors un vague souvenir de ma résolution de la veille, je me tiens immobile, les yeux écarquillés comme l'oiseau de nuit et regardant à l'autre bout de la table. Mais cela arrive à tout le monde, je suppose. Oui, dit Tchitchikov en souriant, c'est une chose qui se voit assez fréquemment. Nous allons prendre, s'il vous plaît, par ici. Nous visiterons les portions de terre que cultivent pour eux les paysans, lui dit Claude Bouef. Puis, rentrant dans son propos, il ajouta. Il me semble vraiment qu'il n'est pas du tout exact de dire que nous sommes nés pour la prudence et la raison. On me fera difficilement croire que l'un de nous trois ait été, pendant plusieurs années, d'une sagesse parfaite. J'ai beau même voir de mes yeux que telle vit très honorablement et se fait une bonne réserve, entasse les écus, forme des capitaux. Je ne le crois pas, non. Me l'assurera-t-il lui-même? Ou bien le diable attend à sa vieillesse et, arrivé là, il lâchera tout à la fois. C'est toujours ainsi. Civilisé ou non civilisé, c'est parfaitement égal. Tout le monde a connu dans nos endroits un manant très madré, qui de rien a su faire une somme ronde de 100 000 roubles. Puis il lui est venu l'idée folle de prendre des bains de vin de champagne. Et le gaillard s'est, ma foi, baigné dans le champagne. Il y a, je vous assure, quelque chose qui nous manque. Ce que c'est, je ne saurais dire. Ça, il me semble que nous avons tout examiné. Je n'ai plus rien à vous montrer, à moins que vous ne teniez à voir le moulin. Mais non, laissez cela, un moulin sans roue, un bâtiment si délabré que les murs gardent à peine l'équilibre. À quoi bon regarder une masure, dit Tchitchikov. Eh bien, rentrons, messieurs. Et tous trois reprirent le chemin de la maison. Ce qu'ils virent dans le trajet, ce fut toujours partout le même spectacle de désolation. Partout la malpropreté et le désordre étalant leur laideur. Tout était complètement laissé à l'abandon. La lumière naturelle du simple bon sens s'était éteinte avec l'esprit d'ordre. une femme en haillons crasseux, maltraitait avec la dernière fureur une pauvre jeune fille. Et deux paysans regardaient du plus stoïque regard les sévices de cette ivrognesse qui pouvait tuer l'enfant. L'un de ces paysans se grattait le bas de l'échine et bâillait. L'autre bâillait en s'étirant. Les portes bâillaient faute de gonds, les toits faute de clous. Et tous ces bâillements gagnaient sensiblement Platonov, à qui il n'en fallait pas tant pour se laisser aller à l'exemple. « Voilà donc, » pensa Tchitchikov, « un échantillon de ma future propriété en fait d'homme. Quelle guenille ! C'est pièce sur trou et trou dans la pièce !» En effet, sur une des chaumières dont le toit avait sombré, le paysan et ses fils avaient hissé les deux battants de leur porte cochère. Des fenêtres, aux croisées disjointes et sans gonds ni targettes, étaient maintenues en place par des perches dérobées dans les embarras du propriétaire. C'était, à chaque pas, l'application du système de ce pauvre Trichka qui rognait ses manches et ses basques pour raccommoder les trous du coude. Tchitchikov fit la remarque que tout ce qu'ils avaient vu dans le domaine était dans un état bien peu réjouissant. On entra dans la maison. Là, Platonov et lui furent frappés d'un contraste, celui d'une évidente détresse avec une foule des élégantes bagatelles de luxe les plus modernes. À côté de draperies et de meubles fort détériorés, des bronzes et des albâtres du dernier goût. Shakespeare en écritoire, Faust, Méphistophélès et Marguerite en pendule. Et au beau milieu de la table, un ustensile d'ivoire d'un beau travail, celui dont les orientaux se servent pour se gratter la peau. La maîtresse de la maison vint recevoir les hommages de ces messieurs. Elle était vêtue avec goût et tout à fait à la mode. Elle leur parla de la ville, c'est-à-dire du chef-lieu, des plaisirs du théâtre dont on y jouit depuis quelques mois. Elle leur présenta ses quatre enfants, parfaitement habillés aussi à la mode. Ils avaient près d'eux une gouvernante. Ces circonstances rendaient la vue de cette jeune famille encore plus triste. Mieux eût valu qu'ils fussent tous en simples sous-quenilles à prendre leurs ébats dans la cour, dussent-ils même ressembler à des enfants villageois. Une chose dont les visiteurs de monsieur ne furent point fâchés, c'est qu'il vint à madame une belle visite des environs, une femme redoutable pour son babil. Ce fut un coup de fortune. Les deux dames passèrent au gynécée. Les enfants et leurs institutrices les y suivirent aussitôt, et les hommes restèrent entre eux. « Votre prix, s'il vous plaît, monsieur, » dit Tchitchikov. « Mais veuillez bien me dire au juste le prix que vous exigez résolument, pour que je me décide tout de suite à acheter ou à ne pas acheter. Je vous avouerai que je ne me faisais pas l'idée qu'un domaine pût jamais offrir un pareil aspect de désolation. Ce que vous avez vu est l'abomination de la désolation, mais ce n'est pas tout. Il faut que vous sachiez que, de 100 âmes portées au matricule du dernier recensement, il n'en reste de vivantes que juste la moitié. Nous avons eu ici le choléra. 50 sont partis sans passeport. Vous, acheteur, vous avez donc à tenir pour mortes celles qui ne sont plus de ce monde. Si les tribunaux aujourd'hui m'en demandaient compte, tout le bien y passerait. C'est la considération pour laquelle je n'ai pas la hardiesse de vous demander plus de 30 000 roubles. Eh, de grâce, comment 30 000 roubles ? Dit avec calme Tchitchikov, qui naturellement voulut marchander un peu. De grâce, dites-vous-même, est-ce là une terre de 30 000 roubles ? Tenez, pour économiser les moments, je vous donne 25 000 roubles. Platonov eut un remords de conscience. Terminé, Pavel Ivanovitch. C'est un bien dont on pourra toujours trouver cela. Si vous ne lui en donnez pas les 30 000 roubles demandés, nous nous cotiserons, mon frère et moi, pour le lui acheter. » Fort bien, j'achète, dit Tchitchikov, effrayé de l'idée de son compagnon. J'achète, mais à la condition de payer moitié au comptant, moitié dans un an. Non, Pavel Ivanovitch, un an, c'est impossible. Vous me donnerez la moitié aujourd'hui et l'autre moitié dans 15 jours. Le Lombard, soyez-en sûr, me prêterait tout aussi bien 30 000 roubles sur ce domaine, si j'avais de quoi nourrir les sangsues. Comment donc faire alors? Vrai, je ne suis, dit Tchitchikov, je n'ai en tout et pour tout en ce moment que 10 000 roubles. En ceci, il ne disait pas la vérité. Il avait avec lui 20 000 roubles, son propre capital de 10 000 qu'il n'avait pas encore entamé, et les 10 000 que lui avait prêté Constant Joglot. Mais il lui en coûtait singulièrement de donner tant d'argent à la fois. « Ah, Pavel Ivanovitch, je vous dis qu'il me faut indispensablement 15 000 roubles. »« Il m'en manque 5, et je ne sais, en vérité, où les prendre. » « Je vous les prêterai, » dit Platonov. « Alors, plus d'objection, » se hâta de dire Tchitchikov. Et il pensa, « C'est ma foi charmant que Platon Mikhaïlovitch aussi me fasse cette avance. » Les deux contractants se frappèrent dans la main. Tchitchikov alla vers la calèche, en fit retirer sa cassette qu'on lui apporta dans la chambre. Il l'ouvrit et y prit les 10 000 roubles empruntés qu'il y avait déposé la veille. Il donna cette somme à Klobouev, à titre d'art et avance. Et quant aux 5 autres 1 000, il promit de les apporter le lendemain. Il promit cela. Il parla même de revenir encore, 2 ou 3 jours après, apporter 2 ou 3 autres milliers de roubles. Au fond, en fait de paiement et de parfait acquittement, l'intention de Tchitchikov était de ne point se hâter et de ne point se laisser presser. Il sentait une invisible répugnance à se dessaisir de l'argent qu'il avait. En cas de nécessité indispensable, il le lâchait, sans doute, mais toujours lui semblait-il plus agréable de le donner demain et non aujourd'hui. Tranchons le mot. Il était, sous ce rapport, fait comme nous le sommes tous. Avouons que nous aimons à faire languir le créancier. Cet homme-là, je vous demande un peu, qui vient pour nous dépouiller, eh bien, qu'il se frotte le dos à loisir dans l'antichambre, comme s'il ne pouvait pas attendre. Il se peut qu'en effet, chaque heure lui soit d'un grand prix, et que ses affaires souffrent de ses retards. Mais que nous importe à nous, débiteurs, qui avons le chagrin de payer? Tu n'as qu'à repasser ici demain, frère. Pour aujourd'hui, il n'y faut pas compter. Je suis occupé, très occupé. Où comptez-vous aller habiter? Dit Platonov à Klobouev. Avez-vous quelque autre village? Non, ni village, ni hameau. J'irai m'installer tout droit à la ville, où je possède une petite maison. J'ai acheté cela récemment. Je devais le faire pour mes enfants. Il leur faut des leçons de catéchisme, de musique et de danse. Vous comprenez bien que ce n'est pas au village que vous trouverez cela. Ils n'ont pas de pain et il est indispensable que les enfants sachent danser, pensa Tchitchikov. C'est étonnant, pensa Platonov. Ah, il faut que nous arrosions le marché, dit Klobouev. Hé, Kirouchka, leste-moi à la glacière, une bouteille. Messieurs, nous prendrons un verre de champagne. Pas de pain, mais de la musique, de la danse et du vin de champagne toujours, pensa de nouveau Tchitchikov. Quant à Platonov, il devenait pour lui pénible de penser. Il ne pensait plus rien. C'était un peu par nécessité que Klobouev s'était approvisionné de vin de champagne. Il envoyait souvent à la ville un messager pourvu d'une liste d'objets à prendre, mais sans argent pour les payer. Dans les petites boutiques, sans argent comptant, vous n'obtiendrez pas une cruche de kwass. Et pourtant, vous voulez boire. » Le messager, qui connaît votre soif, entre le front haut chez le Français. Le Français est un agent d'une forte maison de Pétersbourg, récemment arrivé avec des vins de prix. Jusqu'à présent, il fait volontiers crédit à tout le monde. Vous concevez donc qu'il avait fallu, faute de boisson à un sou la potée, prendre du vin de champagne à 15 ou 20 francs la bouteille. La bouteille apportée chassa à grand bruit le bouchon. 3 fois les verres furent presque coup sur coup remplis et vidés, et les esprits s'égayèrent. Clobouef surtout n'était plus reconnaissable, tant il devint, grâce à cette libation, gai, aimable et charmant. Non seulement il se met à pleine main les bons mots et les anecdotes piquantes, mais il faisait voir dans ses discours une si remarquable connaissance des hommes et du monde qu'il était manifeste que cet homme-là avait vu, et parfaitement vu, beaucoup de choses. Rien n'égale la finesse de trait avec laquelle il esquissait en peu de mots tous ses voisins, les propriétaires fonciers résidents. Il voyait si bien leurs défauts et leurs fautes, il connaissait si bien l'histoire de tous les seigneurs ruinés et les causes et les détails de leur ruine, il savait si bien l'art de peindre leurs habitudes et leurs moindres tics, que ces deux convives émerveillés, et c'est beaucoup dire de la part de Platonov, étaient prêts à le proclamer le plus spirituel des hommes. « Je ne puis m'expliquer, dit Tchitchikov, comment, avec tant d'esprit, vous ne trouveriez pas 100 moyens pour, un, de sortir à votre honneur des difficultés de votre position. » Tchitchikov avait dit cela du ton de la plus profonde conviction. Il n'en fallut pas plus. Ce même Klobouev, tout à l'heure si prodigieusement intelligent, déroula devant ses interlocuteurs un fouillis de projets tous plus absurdes et plus étranges les uns que les autres, et qui montraient si peu de vraie connaissance des hommes, des choses et des relations sociales, qu'il n'y avait plus qu'à hausser les épaules et à dire « Grand Dieu, quelle incroyable distance entre connaître le monde et savoir personnellement mettre à profit cette connaissance !» Tout projet chez lui avait pour base la nécessité de se procurer avant tout 100 ou 200 000 roubles. Il lui semblait qu'avec ce levier, il ferait sortir de terre un domaine splendide, où tout serait admirablement régi, où tous les trous et les crevasses seraient bouchés, les revenus successivement triplés, quadruplés, quintuplés, en même temps que s'acquitteraient toutes les dettes. Et il terminait le tableau de toute cette prospérité par ces mots. « Mais non, il n'existe pas pour moi un ami, un bienfaiteur, qui se décidât à me prêter 200 000 roubles, ni même 100 000. Il est donc évident que Dieu ne veut pas que je me relève. » « Il ne manquerait plus que cela, dit Tchitchikov, que Dieu envoyât 200 000 roubles à un pareil crétin. « J'ai une tante, dit Klobouev, une vieille tante qui possède 3 millions de fortune. » « Hein, qu'est-ce qu'il dit? Une tante à millions ? » se dit à lui-même Tchitchikov. « Elle est très pieuse, elle donne beaucoup à l'église et au couvent, mais n'assiste point ses proches. C'est une tante de la vieille roche, une vraie curiosité. Elle donne une bonne heure de sa matinée à une volière, contenant plus de 400 serins, et autant à ses mops. Elle a des camériistes, des suivantes et des laquais, comme on n'en voit plus nulle part. Le plus jeune de ses domestiques n'a pas moins de 60 ans. Elle n'en dit pas moins à celui qui a 80 ou 85 ans. Hé, petit! Si à sa table un de ses convives ne se comporte pas bien, elle ordonne tout haut que le plat qui doit suivre ne lui soit pas présenté, et le délinquant est positivement privé de ce plat. N'est-ce pas original ? Platonov sourit. Quel est son nom ? Quelle est la terre qu'elle habite ? Demanda Tchitchikov. Elle habite le chef-lieu même de notre gouvernement. Son nom est Alexandra Ivanovna Klanasarov. « Pourquoi ne vous adressez-vous pas à elle ?» dit du ton le plus affectueux le bon Platonov. « Il me semble que, si vous tâchiez de la faire entrer dans la position de votre famille, elle ne pourrait refuser de venir à votre secours. »« Rien à attendre. Ma tante, Platon Mikhailovitch, est une vieille femme très dure. C'est un naturel inflexible. » Et puis, il y a là les turiféraires, des saintes nitouches installées et qui tournent sans cesse autour d'elles. Il y a surtout là un monsieur qui aspire à une place de gouverneur civil, qui a si habilement manœuvré qu'on le tient sans examen pour proche parent et dévoué à sa parente jusqu'à négliger le soin de son ambition. On l'écoute beaucoup. Peut-être il en viendra à ses fins. Je lui souhaite tout le bonheur possible. Oh, imbécile, pensa Tchitchikov. Moi, à ta place, je courrais amuser, soutenir, consoler cette chère tante, avec plus de zèle et d'attention que jamais tendre bonne n'en a déployé pour aucun petit enfant gâté. Tenez, l'effet immanquable de conversation pareille, c'est de sécher le gosier, dit Klobouev. Hé, Kirouchka, apporte-nous une bouteille de champagne. Non, non, moi du moins je ne bois plus, dit Platonov. Ni moi non plus, dit Tchitchikov. Et tous les deux refusèrent résolument. Soit, dit Klobouev, mais au moins jurez-moi que vous viendrez me voir à la ville. Le 8 juin, je donne un dîner aux principales autorités du chef-lieu. Comment ? S'écria Platonov. Vous ? Un dîner invité? Un festin? Dans l'état de dénuement où vous êtes? Pardon, mais vous n'y pensez pas. C'est un devoir. Ces messieurs m'ont invité et régalé eux aussi. Platonov ouvrit de grands yeux et n'y vit pas plus clair. Il n'avait jamais porté son attention sur ce fait, du reste assez frappant. C'est qu'en Russie, dans les chefs-lieux de gouvernement et dans nos trois capitales, la vie de certaines personnes est, à plusieurs égards, une énigme dont on ne trouve pas le mot. Vous voyez un individu qui, chacun le sait, a tout mangé, est dans les dettes jusqu'aux yeux et n'a plus aucun moyen d'éviter la submersion finale, et qui, tout à coup, invite à dîner et traite parfaitement de nombreux conviés. Ceux-ci se disent à l'oreille entre eux que c'est bien pour la dernière fois, et que le lendemain, leur hôte sera certainement en prison. 10 ans se passent, au bout desquels notre viveur est encore debout, et plus que jamais obéré et à bout de toute ressource. Mais, à la surprise générale, de nouveau il donne un grand dîner, auquel, de nouveau, on accourt, tout en pensant que cette fois-ci est bien positivement la dernière, et que l'amphitryon sera le lendemain entre 4 murs. La maison de Klobouev, dans la ville, présentait un phénomène étrange. Aujourd'hui, le prêtre en habits pontificaux, debout devant un iconostase éclairé d'une infinité de cierges, disait des prières solennelles. Demain, dans les mêmes appartements, seront réunis, pour une répétition, une société de comédiens français. Le lendemain, du banquet, on peut fouiller toute la maison. On ne trouvera pas un morceau de pain à se mettre sous la dent. Mais le surlendemain, c'est un festin de Balthazar donné à messieurs les artistes, comédiens, musiciens, danseurs et décorateurs, dont chacun, en outre, emporte son cadeau. Il y eut pour Klobouev, avec une telle vie, des jours, bien des jours, où un autre que lui se fût pendu ou noyé, où se fût brûlé la cervelle. Mais ce qui le préservait, c'était une certaine disposition religieuse qui se conciliait, en lui, avec tout ce désordre matériel. Dans les heures les plus amères de son existence, il lisait les vies des hommes d'élite, qui, ayant eu le plus à souffrir et à gémir sur la terre, avaient élevé leur esprit et leur âme fort au-dessus des maux qu'il voyait conjurés pour sa ruine. À cette lecture, son cœur s'attendrissait, son esprit avait des ravissements soudains, et ses yeux se remplissaient de larmes. puis il donnait une heure ou deux à la prière. Et, chose merveilleuse, presque toujours, ces mêmes jours-là, il lui venait quelque secours tout à fait inattendu. C'était vraisemblablement ou quelqu'un de ses anciens amis qui se souvenait de lui et lui envoyait de l'argent, ou quelque bonne dame en passage par la ville qui apprenait par hasard l'histoire de sa situation désespérée. Et, par l'effet de cette générosité impétueuse d'un cœur de femme, lui faisait parvenir un riche présent. Ou bien, il se tirait quelque part, à son insu, une loterie. Ou bien, il se jouait à son profit une partie dont on lui faisait mystérieusement passer le produit. En pareil cas, il reconnaissait avec une grande ferveur de piété cette immense grâce de la Providence. Il faisait dire par le prêtre de la paroisse, in pontificalibus, chez lui, devant les saintes images, des prières solennelles. Après quoi, immédiatement, il renouait le fil de sa vie d'excès et de désordre. « Il me fait de la peine, vrai, il me fait beaucoup de peine, » dit Platonov à Tchitchikov, quand, après avoir pris congé de lui, ils se furent remis en route. « C'est l'enfant prodigue, » répondit Tchitchikov. « C'est un de ces hommes qu'il n'y a pas lieu de plaindre pour eux-mêmes. » Et bientôt ils cessèrent de penser à Klobouev. Platonov, parce que généralement il ne jetait qu'un coup d'œil paresseux et somnolent sur la situation de tel ou tel homme, comme sur tout le monde, et parce que, si son cœur était contristé à la vue de la souffrance d'autrui, ses impressions n'allaient jamais jusqu'à réveiller toute son âme. Il suffisait de quelques minutes pour qu'il cessât de penser à un homme, lui qui ne pouvait penser 5 minutes de suite à lui-même. Tchitchikov avait déjà oublié les misères de Klobouev, parce que toutes ses pensées étaient absorbées dans l'acquisition qu'il venait de faire. De quelque manière qu'il envisageât cet achat, de quelque côté qu'il tournât et retournât cette affaire, il y trouvait un avantage saisissant de réalité. Il pouvait aller engager le bien au Lombard. Il pouvait tout aussi bien aller y engager exclusivement ses morts et ses fugitifs. Il pouvait, en outre, s'il voulait, vendre par portion tous les meilleurs terrains du domaine, et après cela, aller faire un emprunt aux Lombards. Il pouvait encore se faire franchement propriétaire, s'occuper lui-même de la régie du bien à l'exemple de Constanjoglo, en recourant sans cesse à ses conseils comme à ceux d'un excellent voisin et généreux bienfaiteur. Encore une idée, il pouvait revendre, bien entendu s'il ne voulait pas s'occuper lui-même d'agriculture, revendre le bien à des particuliers en se réservant les fugitifs et les morts, arrangement qui aurait encore cet avantage qu'il pourrait alors déguerpir tout doucement sans rendre à Constanjoglo les 10 000 roubles qu'il lui avait empruntés. Étrange pensée que celle-là. Non pas que Tchitchikov l'ait conçue et adoptée, mais elle est venue spontanément se dresser sous une forme vaporeuse devant son esprit, se riant de lui, se baissant, se relevant d'un air plein de malice, et lui faisant la grimace s'il essayait de froncer le sourcil. « Fi, l'importune, l'indiscrète, l'espiègle, fi, fi !» Et d'où sortent donc ces pensées qui viennent ainsi tout à coup mettre en jeu notre fantaisie? Tchitchikov était dans la joie. Il était pomestchik, c'est-à-dire propriétaire, foncier et seigneur. Seigneur non pas imaginaire, mais véritable seigneur, un noble qui possède des immeubles, des terres, des villages, des champs, des serres nullement fantastiques, mais vivants, mais subsistants. En songeant à tout cela, il en vint peu à peu à faire de petits soubresauts, à se frotter les mains, à se faire à lui-même de petits clignements d'yeux, et à trompeter une sorte de marche en rapprochant son poing de sa bouche. Après quoi, il prononça à demi-voix quelques mots sans suite qui finirent par deux appellations caressantes adressées à sa propre personne. Hé, fin museau, gros poulet, va. Mais se souvenant en ce moment qu'il n'était pas seul dans la voiture, il jeta un rapide coup d'œil sur son compagnon et se promit de tenir en bride ses transports, même avec Platonov. Celui-ci, croyant qu'il avait eu quelque velléité de lui adresser la parole, lui dit « Quoi ?» Il répondit « Rien. »« Arrête !» cria Platonov au cocher. Tchitchikov regarda autour de lui et s'aperçut qu'il venait de traverser un bois délicieux. Dans l'endroit où ils entraient, un double rideau de bouleaux se prolongeait des deux côtés d'un chemin doux et sans ornières. On apercevait à travers le feuillage une blanche église. Au bout de la partie de l'avenue où ils roulaient, parut un monsieur coiffé d'une casquette, un bâton noueux à la main, qui venait à leur rencontre. Un chien anglais à hautes pattes menues courait devant lui. « Voici mon frère, » dit Platonov. « Cocher, arrête !» Et il descendit de la calèche. Tchitchikov aussi. Les deux chiens, cependant, avaient déjà échangé entre eux diverses caresses. Agile de sa langue comme de ses longues pattes, Azor eut tout d'abord léché le museau de son ami Laro, puis il lécha la main droite de Platonov, puis il se dressa contre l'épaule de Tchitchikov, à qui il plongea le bout de la langue dans le creux de l'oreille. Les deux frères s'embrassèrent. « Ça, Platon, qu'est-ce que cela signifie ?»« Quoi cela, mon cher Basile ?»« Eh, tu me demandes quoi ? Et c'est 3 fois 24 heures que je suis sans aucune nouvelle de toi. Et ce palefrenier de Pétoukov qui nous ramène ton alezan, et dont je ne puis à ton sujet tirer d'autres paroles, sinon que tu es parti avec un monsieur. Tu pouvais bien me faire au moins dire un mot qui m'a pris où, pourquoi, pour combien de temps. Eh, cher Platon, est-ce qu'on se conduit comme cela ? Est-ce que tu ne te figures pas toutes les idées qui n'ont pas manqué de me galoper par la tête ? Pardon, pardon, c'est vrai, j'ai oublié. Eh bien, écoute, nous sommes allés chez Constantin Féodorovitch. La sœur te salue, lui de même. Ah, frère, voici Pavel Ivanovitch que je te recommande. Pavel Ivanovitch, c'est mon frère. C'est Basile Mikhailovitch, mon frère. Cher frère, c'est Paul Ivanovitch Tchitchikov. Les deux personnes que Platonov présentait ainsi l'une à l'autre se touchèrent la main droite en soulevant leur casquette de la main gauche. « Bien, » pensa Basile, « mais quel est ce monsieur Tchitchikov ? Frère Platon est si peu difficile en fait de nouvelles connaissances. » Et il envisagea notre héros dans la mesure de ce que peuvent autoriser les convenances. Cette exploration ne fut point défavorable. De son côté, Tchitchikov, aussi dans la mesure de la bienséance, considéra le frère Basile et reconnut qu'il était moins grand de taille, qu'il était plus brun et moins beau, que sa physionomie annonçait plus de vie et d'activité, qu'il devait être d'une grande bonté de cœur. Ce qui était évident, c'est qu'il n'était pas sujet, comme Platon, à la somnolence. Mais Pavel Ivanovitch s'arrêta peu à cette différence des deux frères. « Mon cher Basile, j'ai résolu de faire avec Pavel Ivanovitch une grande escapade, c'est-à-dire de voyager quelque temps dans notre Sainte Russie avec Pavel Ivanovitch. Cela aura peut-être un bon effet sur mon spleen. » « Comment as-tu résolu cela si vite ?» dit Basile, étourdi de cette nouvelle fort imprévue. Et il fut sur le point d'ajouter « Et tu t'accommodes de la compagnie d'un homme que tu viens de voir pour la première fois ? D'un homme qui peut n'être qu'un aventurier ou pis encore ?» Il se tut, mais il jeta sur Tchitchikov un regard de défiance que modifia à l'instant même l'air calme et décent de notre héros. Ces trois messieurs dévièrent un peu à gauche et franchirent le seuil d'une haute porte cochère. La cour où ils entrèrent était vieille, la maison seigneuriale vieille aussi. C'était un toit en pointe, très haut, et de longs appentis au-dessus des portes. Il y a longtemps qu'on ne construit plus dans ce système primitif. Deux énormes tilleuls, élancés du beau milieu de la cour, en couvraient près de la moitié de l'ombre épaisse de leur feuillage, sous lequel une demi-douzaine de larges bancs de bois, peints en vert, invitaient au repos ou à la conversation. L'enceinte de cette cour était complètement dissimulée par des acacias, des lilas, des seringas, des merisiers et des sorbiers, les uns en fleurs, les autres en grappes. Avec cet horizon de feuillage, l'habitation seigneuriale était de même toute couverte de verdure, sauf les espaces ménagés à la lumière suffisante que l'intérieur recevait par les portes et les fenêtres, presque toujours au large ouvertes pendant la belle saison. À gauche, sous des tiges d'arbres droites comme autant de colonnes, se laissaient apercevoir, comme dans un bocage, les cuisines, les hangars, les caves. Et tous les rossignols semblaient s'y être donné rendez-vous, et leurs concerts n'y faisaient jamais défaut, surtout vers le soir. Un sentiment plein de douceur et de charme pénétrait dans l'âme des habitants de cette demeure, où tout rappelait le bon vieux temps, celui où de pareils lieux vous persuadent que tout était simple, doux, facile et honnête parmi les hommes d'autrefois. Basil Mikhaïlovitch prit à Tchitchikov de prendre place, et tous les trois s'assirent sous le double dôme des deux grands tilleuls séculaires. Un jeune garçon de 17 ans, en chemise ou blouse rose à la russe, apporta et déposa lestement devant ces messieurs des verres très propres et des carafes remplies de boissons rafraîchissantes au jus de fruits, les unes onctueuses comme l'huile, les autres pétillantes comme la limonade gazeuse. Après avoir posé en bel ordre une demi-douzaine de ces carafes, qui offraient à l'œil des liquides de couleurs aussi différentes que pures, le jeune gars arma sa main d'une bêche qui était debout contre un tronc d'arbre et passa dans le jardin. Chez les Platonov, comme chez Constanjoglo, leur beau-frère, tous les domestiques étaient jardiniers, ou, pour mieux dire, il n'y avait pas de domestiques, et tous les gens de la cour seigneuriale, à l'envi, en tenaient lieu, et dans de certains temps à tour de rôle. Frère Basile, les deux frères s'appelaient entre eux frère Basile, frère Platon, prétendait qu'il ne doit pas y avoir une classe de valets, et qu'on peut même se passer tout à fait de laquais, car il n'est personne qui ne puisse présenter quelque chose et rendre de petits services, qu'il n'est bien inutile d'avoir près de soi des hommes spéciaux pour cela. Il ajoutait que le russe est bon, serviable et leste, et de bonne volonté toujours, tant qu'il est en blouse et en sarrau, mais que, si une fois on lui fait adopter l'habit allemand, il ne lui donnait pas 3 semaines pour devenir lourd, gauche, maussade et paresseux. Le misérable ne change plus de ligne et il cesse de fréquenter le bain. Il se met à dormir tout habillé dans son nouveau costume et toutes sortes d'insectes s'y établissent chaudement et s'y multiplient. Dans leur village, on se costumait exclusivement à la russe, mais élégamment. Les ganses, glands et pompons des femmes étaient d'or. Les larges manches de leurs chemises ressemblaient aux bordures de châles de cachemire. « Ne vous plairait-il pas de vous rafraîchir ?» dit frère Basile à Tchitchikov en lui montrant les 6 carafes. « Ce sont divers kwass. Notre maison leur doit une sorte de renommée dans le pays. » Tchitchikov prit une carafe, remplit un verre et goûta. Il lui sembla retrouver le fameux lipets polonais qu'il avait savouré autrefois en Pologne. Cela jouait dans le verre exactement comme du vin de champagne, et le gaz montait au cerveau un picotement fort agréable. « C'est un vrai nectar !» dit-il. Puis, ayant versé d'une autre carafe, il ajouta « Ah, celui-ci me semble encore meilleur. » Et il dégusta en homme accoutumé à l'analyse. « C'est le breuvage par excellence, » ajouta-t-il. « D'un autre côté, je puis dire que c'est chez votre très honorable beau-frère, chez Constantin Féédérovitch, que j'ai savouré les premiers ratafias au monde. Comme ici, je me délecte des plus excellents quasses. Hé, dit Platon, ces ratafias, ils sont de la même provenance, puisque c'est Madame Constant Joglot, notre sœur, qui les fait. De quel côté et dans quelle province avez-vous l'intention de voyager? Dit le frère Basile. Je parcours le pays, dit Tchitchikov en se dandinant mollement sur le banc et en se caressant le genou. Non, pas tant pour moi que pour une autre personne. Le général Betrichev, un bon et fidèle ami, et je pourrais dire mon bienfaiteur, tant son affection m'est précieuse, m'a prié d'aller pour lui faire visite à toute sa parenté. Ces parents-là ne me sont de rien à moi, il est vrai, mais j'ai consenti à faire cette tournée, en partie aussi pour me faire plaisir à moi-même. Car, outre que le mouvement de la route est favorable à ma santé, je suis dans ce sentiment que voir les hommes, contempler de près les mobiles, les ressorts, les engrainements et l'arrière-jeu de cette machine qu'on appelle le monde, c'est lire dans le livre de vie. C'est se mettre à même de contrôler la science par les réalités et s'assurer qu'on sait quelque chose. Le frère de Basile pensa « Contrôler la science ? C'est singulier comme cet homme s'écoute parler, mais au fait, il y a du vrai dans ce qu'il dit. » Puis, après une minute de silence, il dit à Platonov « Je commence à croire qu'en effet, mon cher Platon, il est bon que tu te secoues. Tu n'as pas d'autre mal qu'une espèce de léthargie morale. Ton âme a été accidentellement, dans notre calme de famille, saisie de somnolence. Tu n'es ni fatigué, ni certes encore moins blasé, mais tu as besoin de fatigue physique et d'émotion. C'est tout le contraire de ce qui se passe en moi. Vrai, souvent, je voudrais bien ne pas sentir si vivement et ne pas prendre à cœur, comme je le fais, tout ce qui arrive. Quand on prend tout à cœur, c'est qu'on le veut bien, dit frère Platon. Tu cherches les sujets d'alarme, tu composes à ton usage des occasions d'inquiétude. Je n'ai pas besoin d'en composer et d'en appeler, dit frère Basile. Les désagréments viennent à chaque pas nous trouver. Tu ne te doutes pas du tour quand ton absence vient de nous jouer notre nouveau voisin Lénitsine. Il s'est emparé de tout le triangle de terrain inculte que domine le tertre de Montrouge ou Montjoly, tout l'espace consacré aux fêtes de nos paysans. C'est un terrain sans valeur, sans doute, mais que je ne céderai pour aucun prix, car il fait les délices des villageois au printemps et à la Saint-Jean. À ce tertre sont intimement liés tous les souvenirs du domaine, et les coutumes locales sont sacrées pour nous. Il ne sait rien de tout cela. Voilà pourquoi il s'est emparé d'un espace vague, dit frère Platon. C'est un nouveau venu, un homme qui s'installe et regarde partout alentour, cherchant à bien marquer ce qui est à lui. Il faut lui expliquer franchement la chose, et tout sera fini. Comment, il ne sait rien. Tu dois bien penser que j'ai envoyé l'avertir. Il a répondu par un mot grossier. C'est peut-être avec grossièreté que ton envoyé a parlé. Il fallait aller là toi-même. Tu n'as, crois-moi, qu'à te mettre en communication directe avec lui. Non pas, il a par trop tranché de l'homme d'importance. Moi, je n'irai pas à lui. Si tu veux aller le trouver, toi, tu en es le maître. J'irai sans répugnance, mais le mal est que je n'entends absolument rien aux affaires. Et si c'est un homme madré, il peut me faire croire tout ce qu'il voudra. Vous plaît-il que j'aille trouver ce monsieur? J'irai avec plaisir, dit Tchitchikov. Quel amateur d'excursion, pensa frère Basile. Donnez-moi seulement une idée aussi exacte que possible de l'homme et de l'affaire. J'ai conscience de vous donner une si désagréable commission. Lenitsine est, à mon avis, un homme de rien, sorti des derniers rangs de notre petite noblesse locale. Il est allé à Pétersbourg, gagné un grade civil, je ne sais dans quelle partie de l'administration. Là, il s'est marié à la fille naturelle d'un riche, puis, quittant ses bureaux, il a pensé qu'il lui serait doux et facile de venir dans nos cantons, s'installer seigneur dans le voisinage de quelques villes et donner le ton à la province. Il n'a pas bien choisi l'endroit. En général, ici, on n'est pas aussi pesamment provincial qu'il l'a supposé. Nous n'avons ni la mode pour loi, ni Paris pour église. « C'est entendu, » dit Tchitchikov. « Mais en quoi consiste le différend ?»« La propriété qu'il vient d'acheter a un inconvénient grave. Le terrain est insuffisant. Il est très contrarié, et je le conçois. S'il n'eût procédé vis-à-vis de moi par la morgue et la hauteur, j'étais homme à lui départir gratuitement, comme simple acte de bon voisinage, un assez joli morceau de terrain, valant 100 fois la ride de Mamelon, autour duquel il est venu faire serpenter chez moi sa limite, sous forme de pieux et de rigole. Cette manière de me faire sa visite était choquante. Au premier mot que je lui fais dire, il fait l'arrogant, pensant, je crois... Si vous voulez m'en croire, il faut négocier, remettez-vous-en à moi. Les vivacités achèvent d'aveugler les myopes, les bonnes raisons leur dessillent les yeux. Fiez-vous à moi. Vous ne vous en repentirez pas plus que mon ami, le bon général Betrichev, qui... Il m'est pénible de penser que pour nous, qui ne vous connaissons pas encore et n'avons aucun titre à votre complaisance, vous deviez ici vous mettre en rapport avec un pareil homme. Ne vous inquiétez pas de cela. Demain matin, je serai chez lui, et tout pourra s'arranger à votre entière satisfaction. J'en ai le pressentiment. Le lendemain, Tchitchikov se présenta chez Lenitsine, comme lui faisant une visite de bon voisinage. Il lui annonça qu'il venait d'acheter la terre de M. Klobouev. Lenitsine était parent de Klobouev. Tchitchikov devina aisément qu'il se trouvait par hasard chez l'homme qui était en passe de remplacer le gouverneur civil des missionnaires et qui postulait cet emploi comme moyen de se trouver à portée de voir chaque jour la tente aux 3 millions, à laquelle il avait toujours su se rendre agréable. On lui offrait, disait-il, un gouvernement bien plus considérable, mais il aimait mieux celui où résidait la tendre parente, qu'il avait comblée de bonté depuis l'enfance. « C'est voir et sentir noblement, » dit Pavel Ivanovitch. Il plut beaucoup à Lenitsine, qui lui trouvait un air très intelligent, très respectueux, très indulgent envers tous ceux qu'il nommait, excepté peut-être envers Klobouev. De plus, il connaissait une foule de gentilshommes du gouvernement et des gouvernements voisins. Tchitchikov paraissait aussi rond et habile en affaires que riche et répandu dans le monde. Enfin, il lui arrivait de dire « C'est à vous, certainement à vous, que doit revenir un jour toute la succession d'Alexandra Ivanovna Kanassarov, ou du moins la principale partie de grand héritage. » Ceux qui supposent cela ont tort, malheureusement. Vous voyez que je suis sincère avec vous. Il est des gens en ville qui assurent qu'il existerait un testament par lequel elle léguerait tout le gros de la fortune à des couvents. Après cela, elle laisserait quelques souvenirs assez mesquins aux personnes de son entourage ordinaire et à quelques parents, à moi entre autres. Mais c'est une horreur! Les couvents sont riches, très riches. Au reste, il s'agit de la bien prendre, de la décider à tester de nouveau, voilà tout. Moi, je ne veux pas souffrir que la brave dame vous déshérite ainsi. Écoutez, il va sans dire que mon intention, dans le séjour d'un mois et plus que je vais être obligé de faire à la ville, est de me faire présenter à la vénérable Alexandra Ivanovna. Et savez-vous que, par zèle pour vous, je suis homme à lui insinuer. Car enfin, au couvent, allons donc au couvent. À votre place, je lui ferai lire et relire un testament équitable, bien rédigé, dont elle n'aurait qu'à signer la minute. Elle ne voudra probablement rien entendre, ou bien elle écoutera, et tout en approuvant, elle ne se décidera point à y apposer sa signature. Des entêtements de mourante! Là, c'est bien le cas de dire que ça ne ressemble à rien. Puisqu'elle s'en va, qu'est-ce que ça lui fait? C'est un nom, son nom à écrire. Eh bien, c'est d'attendre jusqu'au bout, et si cela lui répugne tout de signer, une autre... Chut, un moment. Il paraît qu'il s'était tout à coup élevé une brise, et que M. Lénitsine craignait les vents coulis. Il se leva, ferma les vasistas, rabattit les rideaux de mousseline, puis il jeta un coup d'œil dans les pièces contiguës. En rentrant, il donna, par mégarde, croyons-nous, un tour de clé aux portes. Après cette formalité, il y eut entre les deux interlocuteurs un entretien plein d'épanchements de la nature la plus intime, mais à voix basse, et dont pas un mot n'est venu jusqu'à nous, avant le moment où M. Lénitsine alla retirer les rideaux, relever les draperies, rouvrir un vasistas, déverrouiller sans bruit les portes, et vint reprendre sa place sur le canapé, en présentant sa main à Tchitchikov, qui la pressa affectueusement. En ce moment-là, Tchitchikov disait « Seulement que ce soit secret, car ce qui nuit, c'est toujours bien moins le crime que le scandale. » « Justement, justement !» dit Lénitsine en penchant sympathiquement la tête tout à fait de côté, à la manière de son interlocuteur. « Qu'il est doux de se trouver ainsi en parfait accord de sentiment !» dit Tchitchikov. « Et tenez, j'ai, moi, une affaire qui est en même temps légitime et illégitime. Légitime en réalité, illégitime en apparence. Voyez, ayant besoin d'emprunter, et par conséquent de fournir hypothèque, je répugne à faire peser sur des amis le risque d'avoir à payer 2 roubles pour chacune de leurs âmes vivantes. Car enfin, que Dieu détourne de moi ce malheur, si je viens à faillir, ce serait très fâcheux pour le propriétaire. Afin d'être en mesure de ne jamais faire subir pareille épreuve à personne, j'ai résolu, et ce n'est pas une supposition, de me faire à moi-même, pour le cas d'emprunt régulier, une assez large collection des fugitifs et des morts. Des âmes mortes, enfin, vous comprenez, qui n'ont pas encore disparu pour l'administration, pour le fisc, puisqu'on paye encore leur capitation. Prendre ces âmes sur soi, c'est, vous en conviendrez, faire œuvre de charité, c'est soulager d'un impôt les pauvres propriétaires. Seulement, ceux-ci et moi, nous sommes bien obligés de nous prêter, en secret, par une fiction contractuelle, à la fiction fiscale et dans le contrat que nous faisons, selon toutes les formes voulues. Les morts ne sont nullement donnés pour morts, mais pour vivants. C'est pourtant là une chose bien singulière, pensa Lénitsine en faisant glisser sa chaise un peu en arrière. Puis il dit « Je ne sais trop si vous avez bien fait d'entreprendre... Le scandale est impossible, parce que en pareil cas, on se garde fidèlement le secret, et que tout se passe entre gens de bonne volonté. Cependant, permettez... Vous faites cela en toute paix de conscience, répondit Tchitchikov d'un front serein et d'un ton parfaitement assuré. Nous faisons cela comme tout à l'heure nous causions et délibérions, exactement comme on délibère et traite d'affaires entre honnêtes gens d'un certain âge et d'un certain rang. Mais une condition de cette sorte de traité, c'est le secret. Le secret, voilà tout. Et en parlant ainsi, il regardait son interlocuteur, noblement, en plein visage. Lénitsine était très versé dans la science et dans la pratique de la procédure. Mais ici, manifestement, ses idées étaient dans une entière confusion. D'autant plus que, 5 minutes auparavant, il s'était laissé aller à parler de ses affaires et se trouvait maintenant pris dans ses propres filets. Il était, par lui-même, fort peu capable d'aucune espèce d'injustice. Il était dans son esprit et dans sa volonté de n'en commettre aucune, personnellement, même dans le plus grand secret, ni pour autrui, ni pour lui. Voilà, pensait-il en son fort intérieur, voilà une bien étrange circonstance. Allez donc, après cela, vous livrer à des mouvements de bonne et franche affection, même avec de fort honnêtes gens. C'est un vrai problème que tout ceci. Mais les conjectures semblèrent s'arranger d'elles-mêmes, avec complaisance, pour seconder les vues de Tchitchikov. Rien ne pouvait être plus favorable au dénouement de cette situation embarrassante que le simple fait de l'apparition, dans la chambre où ils étaient, de l'épouse de M. Lienitsine. Jeune femme pâle, maigre et petite, habillée comme on s'habille à Pétersbourg, et passionnée pour les gens comme il faut. Elle était suivie d'une nourrice qui balançait mollement dans ses bras le premier fruit du tendre amour des deux époux, qui comptait à peine 1 an de mariage. Tchitchikov se leva lestement, s'approcha de la dame avec sa grâce coutumière, la tête un peu inclinée à droite et le sourire sur les lèvres, ce qui fit une excellente impression sur la mère, sur le poupon, sur la nourrice et par suite sur le père. Dans le premier moment, l'enfant s'était montré disposé à faire un éclat, mais par les mots « à goût, petit chérubin !» par attouchement d'un doigt caressant et par la beauté d'un cachet de montre en cornaline, Tchitchikov parvint non seulement à le calmer, mais à lui plaire et à l'attirer. Il le prit sur ses bras, puis entre ses mains, et le souleva graduellement jusque vers un lustre de cristal, de manière à produire dans ce petit être un sentiment d'aise qui se trahit par une risette répétée qui faisait le plus grand plaisir aux parents. Mais tout à coup, cet émoi voluptueux eut un effet inattendu. Qu'il nous suffise de dire que l'enfant ne se conduisit pas bien. « Ah, monsieur, pardon, il vous a tout à fait gâté votre habit !» Tchitchikov regarda. Il avait une manche entière très gâtée, en effet. « Ah, fils du diable, va, que n'as-tu crevé il y a 2 heures » pensa-t-il intérieurement dans son premier moment de dépit. Le père, la mère, une petite bonne et 2 laquais coururent chercher des essuie-mains, des aiguières, des cuvettes et des flacons d'eau de Cologne. Puis tout ce monde, à l'envi, se mit à dépouiller l'hôte, à l'essuyer et à le parfumer, si bien qu'il eut presque honte d'être là seul l'objet des soins empressés de tous. « Ce n'est rien, ce n'est rien !» dit-il en s'efforçant de donner à sa physionomie une expression aussi souriante que possible. « Un gentil enfant de cet âge est tout miel, tout lait et tout grâce. Le moyen qu'il puisse gâter quelque chose, je vous prie, ce petit ange !» Il parlait ainsi, mais au fond, il se disait à lui-même « m'en as-tu mis, va, petit gredin, que le loup te croque en 2 bouchées, je ne ferai qu'en rire, va, va, petite canaille !» Cette circonstance, en apparence insignifiante, eut pour conséquence positive de mettre M. Lienitsine tout résolument dans les intérêts de Tchitchikov. Le moyen de refuser quoi que ce soit à un hôte qui a fait à notre premier-né tant d'aimables caresses et qui fait généreusement, sans sourciller, le sacrifice d'un habit neuf en fin drap tabac d'Espagne à pluie d'or. Pour ne donner ni scandale ni mauvais exemple à personne, ils convinrent de mettre la plus grande discrétion dans tous leurs rapports d'affaires, car ils étaient tombés d'accord, on l'a vu, sur ce principe, que ce qui est fâcheux et souvent funeste, ce sont bien moins les actions, même les plus risquées. que le bruit résultant d'une indiscrétion. « Faites un crime !» répéta Tchitchikov. « Mais Dieu vous garde une faute !»« Ah ça, maintenant, service pour service, et dès aujourd'hui et toujours » ajouta-t-il. « Voyons, permettez-moi de me porter médiateur entre vous et les frères Platonov. Le terrain vous manque ici. Vous avez réellement besoin de deux ou trois bons arpents vers le sud, ou le sud-est de Montjoly, n'est-ce pas ? Vous êtes nouveau, vos paysans, qui n'aiment pas ceux des Platonov, vous ont fait croire que ces messieurs sont des pharaons et des égoïstes qui ne consentiraient jamais à vous vendre les deux ou trois acres de terre qu'il vous faut. Et ils sont parvenus à vous assurer que du moins rien ne s'opposait à ce que vous fissiez ceindre d'une palissade le tertre et tout le terrain pierreux qui l'entoure, alléguant que c'était un endroit dont personne ne s'était jamais soucié, et où toujours pourrait-on cultiver la pomme de terre. Ils vous ont induit en erreur. Cet endroit appartient aux Platonov, et ils y tiennent plus qu'à quelques arpents de bonne terre. Laissez donc ces rocailles à leurs légitimes propriétaires, qui sont, non sans raison, fort irrités contre vous. J'irai les voir, et je vous réponds non seulement de les calmer, mais d'obtenir d'eux, et, notez cela, au prix que vous voudrez bien indiquer vous-même, une pièce de terre, de bonne terre, plus grande au moins du double que ce misérable espace pierreux. Cela vous va-t-il ? Qu'ils reprennent leurs rocailles, soit. Mais je ne puis pas demander de faveur à un homme irrité. Je ne veux pas donner à un voisin le droit de se regarder comme mon bienfaiteur. Vous ne refuseriez pourtant pas d'avoir dans un voisin un bon et noble ami. Laissez-moi donc faire, et croyez que j'arrangerai toute chose selon votre intérêt matériel, et même selon votre fantaisie. Je dis fantaisie, pardon, mais voyez-vous, je donne, moi, carrément, résolument, le nom de mon bienfaiteur à tout ami, à toute personne qui me traite avec affection et me rend quelque service. Vous allez me rendre un service, donc vous allez être un de mes amis et bienfaiteurs. Des gens civilisés qui se disent humbles et obéissants serviteurs du premier venu à qui ils ont une occasion d'écrire ne devraient pas se cabrer devant des mots qui ont sur cela l'avantage de la justesse. Tout homme qui agit en ami nous fait par cela même du bien. Il... Assez, Pavel Ivanovitch, je me rends, et vous avez carte blanche. Voilà qui est parlé. Eh bien, allez, je vous prie, écrire lestement tout ce qu'il me faut pour le greffe du chef-lieu, pour votre vénérable parente, la tante de Klobouev, et pour votre ami du Lombard de Moscou, à qui j'adresserai mon délégué aussitôt après la signature de mon contrat d'acquisition. Moi, pendant que vous écrirez, je vais, avec votre permission, faire ma cour à madame, ou examiner votre propriété. Tout sera prêt dans moins de 2 heures. Bien, dans 2 heures, je pars. Non pas, vous nous restez à dîner, ou vous n'êtes pas un ami. Je resterai, et nous serons les meilleurs amis du monde, comme vous le verrez par les faits. Mais ne perdons pas un temps précieux. Tchitchikov se fit rapporter son habit, qui avait séché au soleil, et reçut un coup de fer. Il l'injecta d'eau de Cologne du haut en bas. La jeune dame, qui avait changé de toilette, vint le rejoindre au jardin. Après quelques tours d'allée, ils rentrèrent au salon où elle lui fit un peu de musique. Comme il faisait, pendant qu'elle jouait, pour marquer le plaisir qu'il prenait à son jeu, un petit fredonnement de complaisance, elle se figura qu'il avait de la voix et qu'il se mourait d'envie de chanter. Elle s'offrit à l'accompagner. Il eut beau s'en excuser, en alléguant que de sa vie il n'avait su qu'une pauvre chanson de douanier, en 4 couplets, mêlés de mots russes, polonais et juifs. Elle s'obstina à entendre cette chanson, qu'elle trouva très originale et qu'il fallut lui écrire. Quant à l'air, Madame Lénitsine dut noter elle-même les 7 ou 8 premières mesures qui devaient suffire pour lui rappeler tout le reste. Tchitchikov déclara qu'il y avait plus de 15 ans qu'il n'avait écrit aucune musique. À peine Lénitsine eut-il paru au salon que l'on passa à la salle à manger. Les trois convives, après la prégustation apéritive, se mirent à table et dînèrent très gaiement. Au café, on présenta à Tchitchikov une pipe, des cigares, des cigarettes, qu'il refusa également, disant que son profond respect pour les dames lui avait fait prendre et garder la résolution de s'abstenir. La dame lança à son mari un coup d'œil et un mot de reproche. Celui-ci plaisanta agréablement sur les roueries des célibataires qui, ayant passé 35 ans, se privent volontairement de fumer. On se sépara dans les meilleurs termes, mais les deux hommes, intérieurement, réservèrent leur opinion l'un à l'égard de l'autre. Eh, mon Dieu, n'est-ce pas partout et toujours ainsi que cela se passe? Basile Platonov conçut une haute idée des talents diplomatiques du compagnon de voyage de son frère Platon, et il marqua au crayon, sur le plan cadastral de son domaine, 3 acres de bonne terre qu'il abandonnait à Lénitsine au prix que ce dernier voudrait y mettre. Il était si heureux de rentrer sans procès, sans scandale, en possession de Montjoly, que le lendemain il en fit annoncer la nouvelle dans les 4 villages qu'il possédait, son frère et lui. Platon se trouva être indisposé depuis la nuit précédente. Le lendemain, malgré l'effet de la bonne nouvelle, le mal empira. Le surlendemain, la fièvre se déclara, et les médecins appelés en consultation déclarèrent unanimement que, pour 6 semaines au moins, la prudence exigeait que le malade, même après 20 jours de convalescence, n'entreprit aucune excursion. Tchitchikov avait besoin de se rendre à la ville, et pour un si grand nombre d'affaires intéressantes qu'il ne put s'empêcher d'admirer ce coup du ciel qui le privait de la société de Platon l'ennuyé, juste au moment où elle allait devenir pour lui fort incommode. Il se hâta de prendre congé des Platonov qui, ayant conçu pour lui une véritable affection, lui firent promettre de revenir bientôt. Il y eut cependant à ce départ un retard d'un jour causé par 2 circonstances imprévues. Tout le linge de notre héros était dans la lingerie à sécher sur des cordes et ne pouvait être livré à Petrouchka avant la nuit. Et, d'une autre part, le temps était si manifestement à la pluie pour de longues heures qu'il n'y avait pas même à songer au départ. Ce répit forcé ne pouvait manquer d'être mis à profit par Tchitchikov. En devisant sur l'économie rurale, sur la propriété, sur les serres, sur l'impôt, il dit à Basile Platonov qu'il comptait bien ne pas payer un sou de capitation pour les âmes mortes de sa future propriété, sachant de source directe et sûre un moyen de s'exempter d'un si odieux impôt. Et il ajouta qu'il allait user de ce moyen avec parfaite certitude de succès. Basile lui dit: que ne pouvez-vous en même temps nous soulager, nous aussi, de ce que nous payons pour nos morts? Rien ne me serait plus facile si ces morts paraissaient m'appartenir. Mais c'est une affaire de confiance, cela. Il faut que je les engage, et par conséquent, que je sois censé m'en être rendu acquéreur. Si vous voulez que je me charge de tout, j'y consens de bon cœur. Il y aura des frais, cela va sans dire, mais ce n'est pas un obstacle. Je ferai les avances, et nous ferons le compte après. Combien nous vous serons obligés! C'est à merveille, mais alors les minutes sont précieuses, car il faut que vous donniez une procuration spéciale à un tiers habitant la ville. Il faut rédiger cet acte et la minute de l'acte de vente de ces âmes, dont la liste très exacte, très minutieuse, sera jointe à l'affaire. La liste? Je peux la faire moi-même avec l'assistance de mon intendant. Mais pour les actes... Vous n'avez pas de papier timbré? Eh bien, vous êtes favorisé du ciel. Voyez, il se trouve que j'en ai dans mes paperasses, et juste de celui qu'il vous faut. Oui, mais nous commettrons des vices de forme dans la rédaction. Allons, je vois bien qu'il vous faut gâter tout à fait. Je vais vous dicter le brouillon de la procuration et de l'acte de vente. Mais alors, vite, vite à la besogne. J'abuse vraiment. Laissez donc. L'amitié des honnêtes gens est d'assez de prix pour qu'on la paie au moins par des services. Soyez donc persuadé que l'obligé ici, c'est moi. Le lendemain, vers midi, le temps était rétabli. Le linge repassé et emballé. Les actes, minutés et copiés en expédition, signés et paraffés. 3 bonnes lettres écrites et cachetées, un succulent déjeuner absorbé, les adieux échangés, l'engagement de revenir bientôt renouvelé à 10 reprises, Tchitchikov monta en calèche et partit en émettant le souhait qu'on parlât de lui au bon Platon chaque jour, jusqu'à l'heure de sa parfaite convalescence, qui répondrait peut-être à celle de son retour parmi eux. En effet, ils s'engageaient d'autant plus volontiers à cultiver, disait-il, leur aimable connaissance, qu'il avait un désir très vif. C'était, après avoir réglé par lui-même ses affaires d'acquisition, et celles de l'emprunt à la couronne par un délégué habile qu'il enverrait à Moscou, après avoir pris possession de son domaine, dont il doublerait la population, de venir enlever Platon Mikhaïlovitch et mettre à exécution le charmant projet de voyage à deux, que la malencontreuse indisposition et l'urgence des affaires les forçaient d'ajourner. Tout cela était-il bien la pensée de Tchitchikov ? Demande peut-être le lecteur. Nous répondrons que, dans la pensée de chaque individu, il y a nécessairement une distinction à faire entre la partie fixe, qui n'est qu'un point culminant et central de la pensée individuelle, et la partie mobile. Celle-ci est plus ou moins vaste, ingénieuse, variée, fine, subtile, ou lourde et obtuse, selon la capacité d'esprit dont l'homme est doué, ou bien selon les facilités et les difficultés venant de sa position sociale. La pensée fixe de Platon était d'échapper à la nécessité de penser. Celle de Basile, de voir ses domaines, par leur prospérité agricole, ne le cédait en rien aux terres de Constant-Joglo. La pensée fixe de Lénitsine était de s'élever aux grandes dignités. Celle de Tchitchikov, d'arriver, par tout moyen, à ce degré de grande aisance, où l'homme de goût, honnête et sensible, s'entoure de toutes les délices de la civilisation de son temps. Quant à la partie mobile, changeante et secondaire dans la pensée des 4 nouveaux amis de notre héros, elle manquait d'étendue et de variété, peut-être parce qu'ils étaient riches et bien posés. Tchitchikov, n'ayant rien sur la terre, possédait en revanche, avec un esprit infiniment plus fertile en ressources, un jeu singulièrement vif et abondant de pensées et de sentiments, parmi lesquels, vu l'extrême souplesse de son caractère et de son imagination, il lui aurait été difficile de distinguer en lui-même ce qu'il sentait et pensait de ce qu'il feignait de penser et de sentir. Nous supposons, connaissant sa pensée culminante, qu'au fond, il pensait ne jamais revoir ni Constant-Joglo, ni Platon, ni Basile, ni même la terre qu'il avait achetée dans leur voisinage. Pavel Ivanovitch ! Hé ! Pavel Ivanovitch ! Dit Selifan en se tordant sur ses hanches pour parler à son maître. Voyez donc derrière nous notre britchka et nos 3 bêtes qui viennent de passer la barrière en même temps que nous. » Et il arrêta la calèche. « Tu es fou ? Mais, en effet, que signifie ? Cocher, qui t'a chargé de me ramener ma britchka ? Sans doute André Ivanovitch Tentetnikov, hein ? Réponds donc, imbécile ! Es-tu muet ? Es-tu sourd ?» Le paysan qui avait amené la britchka et l'attelage de Pavel Ivanovitch n'était ni sourd ni muet, mais il était cruellement bègue et de plus ivre mort. Tchitchikov s'en aperçut, et au lieu de continuer de le questionner, il se borna à lui faire un petit signe amical propre à le rassurer. Séliphane fut chargé d'avoir l'œil sur lui, de manière qu'il ne s'écarta point d'eux jusqu'à ce qu'ils se fussent installés dans une hôtellerie. Là, son premier soin fut d'envoyer le rustre coucher à l'écurie. Séliphane et Petrouchka se mirent en devoir de vider les deux voitures avant de les remiser, et d'après l'ordre de leur maître, ils cherchèrent, mais en vain, quelques messages de Tentetnikov dans les poches, dans la caisse et jusque dans le siège de la britchka. Pavel Ivanovitch ne voulut plus, ce soir-là, songer à rien de fatigant pour l'esprit. Il soupa et se mit au lit avant 10 heures. Le lendemain, il faisait à peine grand jour qu'il appela Petrouchka et l'envoya à l'écurie chercher le paysan. Celui-ci était parti avant les premiers chants du coq. Notre héros, qui comptait sur une lettre explicative, en fut réduit à examiner un à un tous les effets que ces gens avaient tirés de la britchka. Rien ne manquait de tout ce qu'il avait laissé chez Tentetnikov, et il trouvait en plus, évidemment comme cadeau de son hôte, l'ancien boudeur amoureux, 2 caisses d'admirables eaux de Cologne portant les plombs de la douane, et une pièce entière d'une toile de Hollande non moins authentique et bien autrement admirable encore. Mais point de message. Tchitchikov ne crut pas avoir à se préoccuper de ce silence. Son imagination lui fournit à l'instant même des raisons plausibles à ce renvoi sommaire de chevaux, d'un équipage léger et défait dont on pouvait supposer qu'il aurait besoin peut-être dans ses diverses excursions. On eut dans l'auberge une immense considération pour un gentilhomme qui arrivait en ville pourvu de tant de bagages, avec des voitures de rechange, et qui mettait à lui seul 6 chevaux à l'écurie. On fut indigné contre celui de ces 2 cochers qui était arrivé en complet état d'ivresse et avait pris la fuite nuitamment pour échapper sans doute à la juste colère d'un maître qui, en demeurant, paraissait être un homme fort doux. Tchitchikov était arrivé à la ville, très occupé de parfaire, avant tout, l'acte d'acquisition de son domaine. Il fit toutes les démarches nécessaires, tantôt seul, tantôt avec Klobouev, son vendeur, à qui il avait à payer au comptant la seconde moitié du prix de vente. Bientôt l'instrument fut prêt, et le greffier n'attendait plus que la réunion des contractants et des témoins. Cette réunion eut lieu. Mais l'acheteur, au lieu de donner 15 000 roubles argent comptant, montra au vendeur une foule d'actes qui, il est vrai, supposaient de la fortune. Il allait réaliser tout cela, et pour ce premier moment, il présentait un projet d'obligation sous sein privé à l'échéance absolue de 4 mois. Quoiqu'il espérât bien être nanti dans moins de 6 semaines, d'une somme peut-être centuple de celle-ci, et satisfaire Klobouev aussitôt. Ce dernier voulait de l'argent tout de suite. Mais, comme toutes les personnes appelées pour être témoins et tous les employés des greffes parlaient en faveur de Pavel Ivanovitch, Klobouev craignit de passer pour déraisonnable. Il accepta un simple écrit et il signa l'acte de vente, au terme duquel il reconnaissait avoir reçu le prix intégral de l'immeuble. Cependant, Tchitchikov s'était fait présenter par Lenitsine dans la maison d'Alexandra Ivanovna Kanasarova. La dame continuait de faire tenir chez elle table ouverte. Mais malade et très affaiblie par la souffrance, elle ne paraissait plus à sa table et n'admettait dans son appartement particulier que les personnes de sa plus grande intimité. Et encore, fallait-il que M. Lenitsine l'eût pour agréable. Tchitchikov fut donné à la moribonde pour un homme adorable de ton et de manière, de la plus exquise obligeance, d'une expérience et d'un tact consommé, d'une probité proverbiale, très riche avec cela, et non moins modeste que sage. Il venait de quitter le service pour s'établir dans cette province qu'il aimait. Il voulait y acheter des terres et y vivre à la fois en seigneur, en agronome instruit et en homme de goût. Il avait de très bonnes connaissances dans le gouvernement et dans les environs, à 300 ou 400 verstes à la ronde. Il avait depuis longtemps témoigné l'intention de se faire recommander particulièrement à Alexandra Ivanovna. Et tout récemment, ayant appris de M. Constant-Joglo que ce malheureux fou de Klobouev était dans la passe la plus cruelle si on ne le débarrassait promptement de son domaine héréditaire, il avait, par pure obligeance, acheté cette terre, pour ainsi dire, à l'aveugle, et seulement pour sauver l'honneur d'un neveu d'Alexandra Ivanovna. On comprend l'effet d'une telle recommandation dans la bouche d'un parent en belle passe, honoré, honorable. Il venait d'obtenir l'emploi de gouverneur civil de ce gouvernement obscur qu'il sollicitait uniquement pour ne pas vivre un jour sans voir et consoler sa parente, vieille et infirme. Et les habitants de la ville lui avaient fait pour sa bienvenue une sorte d'ovation très flatteuse. Aussi, sa protection était toute puissante près de la moribonde. Elle prit le protégé dans une telle estime, le trouva si obligeant et en même temps si discret, qu'elle ne tarda pas à lui prodiguer les gages d'une bonne affection par de petites confidences et quelques commissions délicates. Bientôt, elle en vint à ne plus pouvoir se passer de lui 2 heures de suite. Et les deux pupilles qu'elle aimait s'étonnèrent qu'elle ne cherchât pas même à le retenir la nuit près de son chevet. Il fut d'abord comme de la maison. Et ensuite, les domestiques se mirent machinalement à lui obéir, comme s'il fût devenu leur maître. La vieille dame, tout en baissant de jour en jour, retrouvait grâce à lui quelques courts instants de bonne humeur, qu'il lui prit un accès de gaieté et qu'elle raconta quelque anecdote tant soit peu croustilleuse, Tchitchikov aussitôt faisait signe aux deux pupilles de se retirer, et elle sortait, aussi docilement que si son Excellence Monsieur de Lénitsine en personne leur en eût donné l'ordre. Celui-ci était devenu rare dans la maison, ses hautes fonctions lui laissant peu de temps libre. Et d'ailleurs, il avait près d'Alexandra Ivanovna un suppléant vraiment admirable de zèle, de douceur, d'habileté et de patience. Tchitchikov savait se taire à propos, et c'était de sa part un grand mérite, car il en était venu à pouvoir tout dire. Il y avait cependant un terrain brûlant sur lequel la malade, quelques tours que notre héros prit pour l'y amener, refusait de le suivre en gardant un silence absolu. C'était sur les dispositions qu'elle avait prises ou qu'elle se préparait sans doute à prendre au sujet de sa fortune, dans la prévision de sa mort prochaine, dont elle lui parlait chaque jour. Beaucoup de gens commençaient à jaser sur cette assiduité d'un inconnu, mais beaucoup plus, au contraire, disaient, et le confesseur tout le premier, qu'il était fort heureux qu'il y eût près de la moribonde un homme sage et probe, qui ne manquerait sûrement pas de mettre à profit sa confiance pour la décider à faire son testament d'une manière équitable et régulière. 3 mois s'écoulèrent ainsi, sans que Klobouev fût payé et sans qu'on vît que Tchitchikov négociât un emprunt, opération qui, du reste, venait de réussir à souhait, mais dont il n'avait aucunement hâte de parler. Car on sait qu'en fait de paiement, il s'exécutait toujours le plus tard possible. Puis, le bruit courut que Pavel Ivanovitch était en marché pour revendre en secret, avec exemption d'impôt pour les âmes mortes, le domaine qu'il avait acheté, et on se creusait la tête pour savoir comment il entendait la chose. Un voyageur, qui avait passé une journée de pluie torrentielle dans la ville, avait dîné à l'auberge avec l'adjudant-colonel de gendarmerie en résidence, et il avait dit à cet officier, sans baisser la voix, « Ça, dites-moi, vous avez donc ici le fameux Tchitchikov. Vous savez qu'il parcourt la Russie, achetant partout les âmes mortes des propriétaires, et cela, dans un but qu'il est facile de deviner. » Le bruit de ce propos se répandit si vite que l'officier crut devoir en aller parler au général gouverneur militaire. Le même jour, un autre bruit de ville vint aux oreilles de ce haut personnage. Alexandra Ivanovna était morte, et on avait apposé les scellés à tous les meubles des appartements intérieurs, sur le premier avis du décès donné par M. de Lenitsine à la police locale. Mais, dans le commun, une multitude de bonnes gens disaient que, quand cet avis fut donné, il y avait plus de 48 heures que la défunte avait dû expirer. Et c'était Tchitchikov, ajoutaient les mauvaises langues, que l'autorité devrait bien interroger un peu sur les circonstances de cette mort. Car dans ces derniers temps, il n'y avait réellement plus que lui autour du lit et du fauteuil de la défunte. Lui seul qui manœuvrait toutes les sonnettes et disposa du zèle des domestiques et de la bouteille au vinaigre des 4 voleurs. Ce sont là des propos tels qu'en tient le populaire à la mort de presque tous les vieillards riches. Le général, en cette affaire, sans préjuger aucun crime, avait cru devoir user de ses pouvoirs. Il fit donc comparaître dans son cabinet Tchitchikov, qu'il soupçonnait au moins d'un grand amour de l'intrigue, et voulant sans doute l'éprouver, il lui signifia brusquement, à la russe, l'ordre de quitter la ville dans les 24 heures. Tchitchikov, qui s'était attendu à pis, se sentit à l'instant tout réconforté. Il parla, et parla bien. Il dit tout ce qui semblait devoir militer en sa faveur. Il fit modestement observer à son Excellence que son éloignement de la ville, en ce moment, jetterait une perturbation profonde, non seulement dans ses affaires, mais à plus forte raison, dans celle de toutes les personnes honorables avec qui il était en relation d'intérêt. Bref, il fut autorisé à rester autant qu'il lui conviendrait, mais à la condition de s'observer un peu plus, de manière à ne pas donner prise à toutes sortes de bruits fâcheux. « Mon prince, dit Tchitchikov, j'ai entendu dire, et je le crois, qu'on arrêterait plus facilement le cours du Dniepr ou du Volga que les caquets d'une petite ville. » Tchitchikov sortit de cette audience plus assuré qu'auparavant contre les médisants de la ville, qui, toute une matinée, l'avaient cru très compromis près de la première des autorités du gouvernement. Klobouev reçut ses 15 000 roubles. Il avait des dettes pour 50 000 roubles encore. On le vit marcher côte à côte avec Tchitchikov aux pompeuses funérailles dont Lenitsine régla tout le cérémonial. Le jour de la levée des scellés, on trouva un acte testamentaire à l'ouverture duquel l'autorité convoqua tous ceux qui pouvaient y être intéressés. Monsieur de Lenitsine, retenu sans doute pour l'expédition des affaires de sa place, se fit attendre plus d'une heure. Lecture faite, il reçut avec une dignité froide les félicitations de presque tous les assistants. Il était institué légataire universel des biens de la défunte. Puis il était fait à Klobouev, aux 2 demoiselles de compagnie, à 2 cousins pauvres et à un lieu de pèlerinage, divers petits legs particuliers que les seuls revenus d'une année pouvaient couvrir et au-delà. Les 2 pupilles mécontentes et une vieille gouvernante signalèrent à M. de Lenitsine l'absence de 5 ou 6 coffrets, d'un écrin et d'une 60aine de belles pièces de vaisselle d'or, d'argent et de vermeil. Mais M. de Lenitsine, médiocrement surpris, se borna à sourire en haussant les épaules. Tout ce que fit notre héros depuis son audience chez le général-gouverneur, c'est ce qu'on devinera sans beaucoup de peine d'après le récit des événements exposés dans les 2 champs suivants.